Donc peux parler au nom de notre créateur et sans seul fait me dénier l'amour de mon seigneur. Voyez ces vaniteuses, hypocrites personnalités prendre des postures pieuses et sur l'humanité cracher. Ils voudraient réduire l'homme à l'aliénation, à leur loi le détruire dans les aspirations qui font ces entités particulières originales. Une fois pour toutes le casser puis l'envoyer sous les balles. Les manipulateurs de toute confession, diabolique diviseur, quand Dieu est communion, ils réussissent le tour de force de fonder la haine sur un message d'amour. La perfidie est pleine, mes veines, le sang irriguant, les veines de l'humanité reine se purifie toujours à temps. L'esprit c'est un souffle là où il veut, et moi qui se boursouffle, c'est pur par le feu. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi. Dieu a-t-il créé l'homme pour prier à des règles édictées en vue de le contrôler? Jusque dans les plus petits détails, au point d'en faire un sombre cru, seulement guidé de loin par la peur de l'enfer de la vie. Bien que l'être humain n'est alors plus qu'un pantin pieux et pied aux prières de pierre, sera-ce là le portrait achevé que nous retiendrons de l'humaine dignité selon sa divine conception? Et enfin cette question, selon cet angle de vision, peut-on encore dire du bon, ou sera-ce une illusion due à la répétition de cette qualification dans toutes les révélations? Écoutons notre raison. Pourquoi les rapprochés de Dieu sont-ils des hommes de paix, la promouvant même au sein des affrontements les plus malsains? Si Dieu avait été mauvais, eux, eussent-ils été bons? C'est erroné, voici le bon sens, ce qui file. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi. L'homme qui dit que ceux qui ne sont pas comme lui seront exclus du paradis, plongé dans les pleurs écrits, est-il si éloigné de penser que seules les filles comme la sienne va d'être estimée, et qu'on peut faire fi de celle des hommes des différents? La diversité est créée en froid divers aux différents, propice fois menacée ou se sentant comme telle. La divergence n'est plus une chance d'enrichissement mutuel, il n'est plus deux dans la danse, mais un faisant des pas tristes dans une valse solitaire. Il n'y a pas en ce bas monde de place pour l'altérité, du moins selon lui. Alors ça croit sa pauvreté mentale, son esprit le fuit. Les paroles sacrées traitent de paix, ce n'est pas un secret, encore faut-il les rechercher. Nos cœurs destins savent ce qu'est la sainteté, les textes saints doivent être des salles d'appel à la fraternité. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi. Une humanité riche de ses différences, chez qui ne se niche nulle haine ni défiance. Je crois que c'est là le rêve de Dieu, j'ai foi.